Fresh volume 2. Authentique rap. C'est DDS. So Fresh volume 2. Boobs. Yeah. Et les gros, tu dis que tu pèses. Tu pèses que dalle. Les grillés sur la balance. Ton poids c'est 40 grammes. Authentique rap. Je m'en bats les couilles de t'escroquer. Sur un plan qui fait du bif. Donc normal, je fais croquer. Les MC s'appelle Padre. Mais ils savent pas que c'est WAM. Toi tu fais du karaté. Miskin, je fais du K-WAM. Mais c'est pas ce fumeur de cannabis. C'est pas ce guignol de Canal Plus. C'est pas ce bolos de Fatal Pass. Mais existez, c'est ce vrai gars dans le game. Pas les couilles de vos querelles. Pas les couilles de vos règles. Hier soir, quand je dormais, j'ai fait un rêve. J'ai vu ce putain de Père Noël qui m'a porté une Porsche Cayenne. Tard, ouah, c'est du MD tout craché. Moi je vais décoller. Mes autres rappeurs vont se scratcher. DDS, c'est ma team, mon écurie. Les poulets, on les grave avec des frites et sauce curry. Authentique rap, ce n'est pas du bacan. Héros métis des B-Ride, on arrive, c'est le bacan. Passe tout au chrome et on en fait un explosif. De Saint-John à Saint-Michel jusqu'à Fleury, mais Rogis. Authentique rap, ce n'est pas du bacan. Héros métis des B-Ride, on arrive, c'est le bacan. Passe tout au chrome et on en fait un explosif. De Saint-John à Saint-Michel jusqu'à Fleury, mais Rogis. Dans le phrasé, trop de puissance. L'ambiance est chaleureuse parce que mon flow c'est redescence. Ta peau, je le jalouse. C'est de mes mots que toi tu danses. Au bout de mon stylo, moi je pense, puis je me lance. Et tu retrouves ça sur séquence. Donne-moi le micro et là je te mets en transe. Trop de level comme un sniper, je te shoot à distance. Rappelle le chrome, non jamais je ne m'en dispense. Qui veulent me suivre, mes bélèves au contresens. Authentique dans la rime, car pour moi c'est une récompense. Et rien que ça pense à sortir des scuds d'excellence. Excédant toutes ces radios cramées qui ne suivent plus toutes les cadences. 91, c'est de la punchline dans l'élégance. Soit de la danse, tu postures. Pour moi c'est des vacances. Arrête de jouer la caille. Si t'es cubanant, je viens innover ton rap en France. Le R et puis le O, c'est la cerise sur le gâteau. Quand il frappe avec aisance. Authentique rap, ce n'est pas du bacan. Héros métis des B-Ride, on arrive, c'est le bacan. Passe tout au chrome et on en fait un explosif. De Saint-John à Saint-Michel jusqu'à Fleury, mais Rogis. Authentique rap, ce n'est pas du bagarre, mais remédie des B-Ride, on arrive, c'est le bagarre. Passe tout au chrome et on en fait un explosif. Passe-moi la youth que je gratte et que je dead le chrome salement. Je rappe t'as tellement mal que t'as besoin de prendre un calmant. J'accomplis des chefs d'œuvre à la Picasso oralement. Tu fais le kite sur le beat mais dans la street on te voit rarement. Phrase et Gucci, dans le rap je suis le ninja kid. Flo Kalashnikov, MC Scarlamoujadine. MC 207, jante chromée ou aluminium. Disque d'or, tuerie, hit, voilà mon strict minimum. Je suis le président de Check Dasun City. Dis-moi qui a plus de flow que Check Dasun. Si tu testes, négro, t'y restes. Y'a rien à faire, c'est le TDS et Sin. Wu-Tang, c'est les best. But Check Dasun seront les next. Pas de stress, toujours dans les dièses. Toujours dans les délais. Chaque fois que tu parles de nous, emploie le nota bene, négro. Check-moi si t'es zère, mais ne me check pas si t'as le béret. MC, me check pas si tu parles de street, alors t'y as jamais erré. Ce n'est pas du bacan, héros métis des B-Ride, on arrive, c'est le bacan. Pas tout au chrome et on en fait un explosif. De Saint-John à Saint-Michel jusqu'à Fleury, mais Rogis. Authentique rap, ce n'est pas du bacan, héros métis des B-Ride, on arrive, c'est le bacan. Pas tout au chrome et on en fait un explosif. De Saint-John à Saint-Michel jusqu'à Fleury, mais Rogis. Production. Yeah. 91 les gars, yeah, so Fresh volume 2, Boobs production. Oh.